Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Eh bien, nous revenons avec un Blues Covers spécial Canada, et même spécial Québec. Et oui, Don Tyler Watson était venu en France plusieurs fois, et la première fois moi que je l'ai découverte, c'était à Blues sur Seine, accompagné par le groupe français Mudzilla, lors d'une tournée vers, on va dire, vers 2001. Et oui, ça fait déjà une paire d'années. Je l'ai recroisé ensuite, 10 ans après, à l'International Blues Challenge de Memphis. Et puis, elle a eu pas mal de prix au Québec et aux États-Unis. Là, depuis quelques années, elle joue aussi en duo avec Paul Deslauriers. Et ils ont publié un EP avec plein de reprises, très très chouette. Je vous propose donc Can't Buy Me Love des Beatles. Ai-je besoin de le dire, par Don Tyler Watson et Paul Deslauriers. Buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. Well, I'll give you anything, my friend, if it makes you feel alright. See, I don't care too much for money, money can't buy me love. Give you all I've got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money. Money can't buy me love, can't buy me love. Everybody tell me so, can't buy me love. No, no, no. Say you don't need no diamond rings, I'll be satisfied. En 2004, Frank nous propose un album intitulé Broken Blues, avec quelques reprises, bien sûr, puisque c'est le principe de mon émission. Mais je n'ai pas retrouvé le CD, ni aucune info sur Internet. Je n'ai même pas une image de la couverture. D'habitude, je scanne, mais là, rien, je n'ai que les MP3. Si quelqu'un a des infos, hein, je suis preneur. Voici donc Frank qui reprend The Last Time des Rolling Stones. Once and I told you twice, but yeah, never listen to my advice. You don't try very hard to please me with what you know it should be easy. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. But I can't stay. this could be the last time. Maybe the last time, I don't know. Oh no. This could be the last time, maybe the last time, I don't know. When I told you once and I told you twice, that song will have to bear price. Here's a chance to change your mind. 'Cause I'll be gone a long, long time. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. This could be the last time. Oh no, oh no. Nanette Workman s'est fait connaître en France pour avoir accompagné Johnny Hallyday. Et puis aussi d'avoir fait partie du clan des Rolling Stones. Eh bien, maintenant, elle poursuit sa carrière hein, depuis les années 70 quand même, toujours au Québec. Et dans son album Mississippi Rolling Stone, en 2005, elle reprend Gotta Serve Somebody de Bob Dylan, Nanette Workman. You might like to gamble, you might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. But you're gonna have to serve somebody. Yes indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, you may be the devil. A young Turk, you might be the head of some big TV network. You may be rich or poor, oh, you may be blind or lame. You may be living in another country or no another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Somebody. Yeah. Mike Dewey, ça fait bien 40 ans qu'il écume les routes du blues à travers le Québec, mais aussi un peu la France, car il est venu plusieurs fois jouer. Son premier groupe, le Only Blues Band, publie un premier album en 2005, et sous son nom, Mike Dewey, en 2011, il publie l'album Turbulence, dont est extrait sa reprise de Mirza de Nino Ferrer. Mike Dewey. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Avez-vous vu Mirza? Avez-vous vu Mirza? Avez-vous vu Mirza? Oh! Où est passé ce chien? Je le cherche partout. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.